La terre. Seule, entre toutes les choses de la nature, elle a mérité par ses bienfaits éminents qu'on lui donna le nom sacré de mère. Elle appartient aux hommes comme le ciel à Dieu. Naissant, elle nous reçoit. Née, elle nous nourrit. Une fois venue à la lumière du jour, elle nous sert toujours de support. Enfin, elle nous embroie dans son sein lorsque nous sommes rejetés par le rail de la nature, nous couvrant alors surtout comme une mère. Aucun de ses bienfaits ne la rend plus sacrée que celui qui nous rend nous-mêmes sacrés. Portant nos tombeaux et nos inscriptions, faisant durer notre nom, étendant notre souvenir au-delà du court intervalle de cette vie. Divinité suprême, nous la souhaitons dans notre colère, pesante à ceux qui ne sont plus, comme si nous ignorions que seule, elle ne s'irrite jamais contre l'homme. L'eau descend en pluie, se congèle en grêle, se soulève en flots, se précipite en torrents. L'air se condense en nuages, se déchaîne en tempêtes. Mais la terre, bénigne, bonne, indulgente, est toujours au service des mortels. Elle prodigue les herbes médicinales, et pour l'homme, elle est toujours un enfantement. Quant à ce qui est des poisons, on peut croire que c'est par compassion pour nous qu'elle les a composés. Autrement, saisi par le dégoût de la vie, il faudrait, ou que la faim, genre de mort le plus contraire à la bienfaisance de la terre, nous consumât lentement, ou que nous allassions, soit nous briser dans les précipices, soit nous soumettre au supplice de la corde, supplice contraire à notre but et fermant le chemin au souffle vital pour lequel on cherchait justement une issue, soit chercher la mort dans les flots où nous serions dévorés en guise de sépulture, soit nous tourmenter le corps en le déchirant par le fer. Oui, par pitié pour nous, elle a produit ces substances si faciles à boire, et sous l'action desquelles nous nous éteignons, le corps intact, sans perdre une goutte de sang, sans aucun effort, et paraissant nous désaltérer. Après une telle mort, nul oiseau, nulle bête sauvage ne vient toucher le corps, et celui qui n'existe déjà plus pour lui-même se trouve conservé par la terre. La terre est la seule partie de la nature à l'égard de laquelle nous soyons ingrats. Combien le luxe n'en abuse-t-il pas? À quels outrages n'est-elle pas soumise? On l'entasse dans les mers. On l'entame pour ouvrir le passage au flot. L'eau, le fer, le feu, le bois, la pierre, les céréales, tout est pour elle, à toute heure, une cause de tourment. Et bien plus, pour servir à nos plaisirs qu'à notre nourriture. On dira peut-être que les souffrances qu'elle endure à sa superficie, et pour ainsi dire, à son épiderme, sont tolérables. Mais nous pénétrons dans ses entrailles, nous y fouillons les veines d'or et d'argent, les mines de cuivre et de plomb, et même nous y allons chercher des pierres précieuses et quelques petits cailloux à l'aide d'excavations profondes. Nous arrachons ses entrailles pour qu'un doigt porte le joyau qu'il va chercher. Que de mains s'usent à faire briller une seule phalange. Toutefois, ce qui apaise la déesse, c'est que toutes ces richesses aboutissent à des crimes, à des meurtres, à des guerres. Et, après l'avoir arrosée de notre sang, nous la couvrons de nos ossements, laissés sans sépulture. Néanmoins, comme pour nous reprocher nos fureurs, elle finit par recouvrir ses débris et par cacher même les forfaits des mortels. Parmi les crimes de notre ingratitude, je compterai aussi notre ignorance de la nature de la terre. D'abord, quant à sa figure, le consentement unanime en décide. Nous disons le globe de la terre, et nous convenons que la sphère en est comprise entre les pôles. Ce n'est pas, il est vrai, une sphère parfaite. Il y a trop de montagnes élevées et de plaines étendues. Mais son pourtour, si l'on embrasse tous les détails dans les lignes des grands cercles, présente la figure d'une sphère parfaite. Ératosthène, astronome, géographe et mathématicien grec du IIIe siècle avant notre ère, homme d'une habileté supérieure dans toutes les sciences, et à qui tout le monde rend hommage, a évalué le pourtour entier de la Terre à 252 000 stades. Assertion hardie, mais appuyée sur des arguments si ingénieux qu'on aurait honte de ne pas y croire. Or, 252 000 stades égyptiens font 39 800 km pour la circonférence de la Terre.